C'était une planète qui est plutôt loin d'ici. Ça change pas de mes paroles habituelles. Et sur cette planète, y a que des bestioles. Elles sont toutes habillées, mais pas toutes. Les oiseaux volent pas et tout le monde parle comme toi et moi. Les prédateurs vivent en symbiose avec leur proie. C'est un monde rempli de furie, comme chez Bugs Bunny, mais en moins antique. C'est là que je veux vivre à Zootopie, je veux y vivre et non pas y survivre. Il y a des créatures en trop, comme Star Fox Zero, mais en moins spatiaux. C'est là que je veux vivre à Zootopie, je veux y vivre et non pas y survivre. Là-bas c'est bizarre, Shakira est une gazelle. Je me demande de quoi moi j'aurais l'air. Y'a plus de racisme, malgré toutes les espèces qu'il y a dans ce monde, je crois que ça veut dire quelque chose. Il y a des animaux partout, comme au bois de Katsu, il y a même des loups. C'est là que je veux vivre à Zootopie, je veux y vivre et non pas y survivre. Il y a des créatures en trop, comme tel concerto, mais en moins stimo. C'est là que je veux vivre à Zootopie. Je veux y vivre et non pas y survivre. Je sais bien que c'est impossible d'aller là. Je serai même pas l'ombre d'un koala. Mais c'est pas grave. Zootopie.